Déjà, avant les vendanges, toute la maison, tout le petit peuple de Clarens vivait dans une atmosphère de fête. On a célébré, en y conviant tous les gens, l'arrivée de Claire, de son mari et de leur fille, et leur installation définitive à Clarens. Toute la maison, augmentée de 3 personnes, se rassembla pour danser. Collation, souper, feu d'artifice, avec des fusées que Saint-Preux a rapportées de Chine. Le travail de la campagne est agréable à considérer. L'objet de l'utilité publique et privée le rend intéressant. L'imagination ne reste point froide à l'aspect du labourage et des moissons. La simplicité de la vie pastorale et champêtre a toujours quelque chose qui touche. Qu'on regarde les prés couverts de gens qui fanent et chantent et des troupeaux épars dans l'éloignement, insensiblement, on se sent attendrir, sans savoir pourquoi. Depuis un mois, les chaleurs de l'automne apprêtaient de restes vendanges. Les premières gelées en ont amené l'ouverture. Le pampre grillé, laissant la grappe à découvert, semble inviter les mortels à s'en emparer. Toutes les vignes, chargées de ce fruit bienfaisant, que le ciel offre aux infortunés pour leur faire oublier leur misère, le bruit des tonneaux, des cuves, des foudres, qu'on relie de toutes parts, le chant des vendangeuses, dont ses coteaux retentissent, la marche continuelle de ceux qui portent la vendange au pressoir, le roc son des instruments rustiques qui les animent au travail, l'aimable et touchant tableau d'une allégresse générale qui semble en ce moment étendue sur la face de la terre, enfin, le voile de brouillard que le soleil élève au matin comme une toile de théâtre pour découvrir à l'œil un si charmant spectacle, tout conspire à lui donner un air de fête. Et cette fête n'en devient que plus belle à la réflexion, quand on songe qu'elle est la seule où les hommes aient su joindre l'agréable à l'utile. Monsieur de Volmar, dont ici le meilleur terrain consiste en vignoble, a fait d'avance tous les préparatifs nécessaires. Madame de Volmar s'est chargée de la récolte. Le choix des ouvriers, l'ordre et la distribution du travail la regardent. Madame d'Orbe préside au festin des vendanges et au salaire des ouvriers, selon la police établie, dont les lois ne s'enfreignent jamais ici. Mon inspection à moi est de faire observer au pressoir les directions du Julie, dont la tête ne supporte pas la vapeur des cuves. Et Claire n'a pas manqué d'applaudir à cet emploi, comme étant tout à fait du ressort d'un buveur. Les tâches ainsi partagées, le métier commun pour remplir les vides est celui du vendangeur. Tout le monde est sur pied de grand matin. On se rassemble pour aller à la vigne.